Un ange sur la terre, chapitre 15. Un libéral. Les trois amis se promenaient sur El Duque lorsque, dans un groupe et s'élevant au-dessus de la foule, ils aperçurent une petite tête appartenant à une petite figure en lame de rasoir, ornée d'un nez proéminent et deux petits yeux noirs, mélancoliques et distraits, bien que, de moments en moments, ils lançassent un regard pénétrant, méfiant et hostile, comme un volcan éteint lance encore, par intervalles, un jet de flamme ardente à travers son épaisse lave. Le propriétaire de la susdite tête portait un costume excentrique et du plus mauvais goût. Sous un caban blanchâtre, en forme de robe de chambre, apparaissait un pantalon bariolé des couleurs les plus éclatantes. Un chapeau hongrois, républicain ou à la Montalban, également blanchâtre, couvrait son chef, nom que les Français donnent avec juste raison à la tête, et faisait ressortir encore la noirceur de sa triste figure. De longues moustaches, semblant sortir de ses narines, achevait d'imprimer à ce personnage le cachet d'une ridicule actualité. À ce portrait, le lecteur aura peut-être reconnu notre ami Tiburcio, qui, après plus d'une année de résidence à Madrid, s'en revenait à son village, non pas tout à fait comme il en était parti, mais le goût s'est vide et les espérances déçues. Il avait sacrifié sur l'autel de la noble ambition jusqu'au dernier fagot des oliviers paternels, sans qu'une seule branche lui eût servi de torche pour pénétrer dans le sanctuaire de la fortune et de ses honneurs. Avant de rentrer tristement dans son pays natal, il achevait de manger, à Séville, quelques bribes de haie dont l'alcalde s'était encore défait en sa faveur. À peine Martial l'eut-il aperçu que, quittant ses amis, il fut à sa rencontre. « Vous voilà donc, incorrigible démagogue !» lui cria-t-il. « Je me réjouis de vous rencontrer. Je veux vous présenter à mes amis. » « Vous me faites honneur, » répondit gravement Tiburcio, qui, malgré ses principes républicains, brûlait du désir de s'affilier à la classe élevée. Mais les amis, poursuivant leur promenade, avaient disparu dans la foule. Martial et Tiburcio continuèrent donc à marcher et, au premier tour, ils se trouvèrent en face de Rennes. Martial la salua, mais celle-ci feignit de ne pas le voir et ne lui rendit pas son salut. « Seigneur, disait Tiburcio, l'humanité a besoin d'être régénérée. »« Les améliorations, répondait Martial, se développent à la chaleur vivifiante du soleil et non à la flamme brûlante de l'incendie. Ainsi donc, cher ami, reine, que tu le veuilles ou non, je suis à tes pieds. « Bonjour, Martial, » dit enfin celle-ci. Mais, à la vue de l'étrange figure de Tiburcio, elle partit d'un immense éclat de rire. Et, se tournant vers Flora, « Jésus, quelle face !» lui dit-elle. « Et de quelle boutique de friperie Martial a-t-il tiré ce curieux magot ?»« Les voilà bien, vos fières et insolentes aristocrates !» dit Tiburcio furieux à Martial, en voyant Rennes s'éloigner en ricanant. « On rit avec vous et tu te fâches, » répliqua Martial. « Mais mon cher, elle en eût fait tout autant avec le plus grand seigneur, s'il se fût offert à ses yeux avec votre figure. Rendez-vous donc justice, reine et ma cousine, et c'est bien la moquerie incarnée, comme vous êtes l'opposition faite homme. N'allez pas croire que ce soit orgueil chez elle. Non, c'est sa nature, sa pente, son courant. C'est l'épine de cette rose. Elle se moque de tout le monde, même de moi. Voulez-vous que je vous présente à elle ? Ajouta belliqueusement Martial. Cette offre était trop agréable à Tiburcio pour qu'il ne s'empressât pas de l'accepter. « Seulement, poursuivit Martial, je dois vous prévenir d'une chose. Gardez-vous de faire devant elle quelqu'une de vos sorties démocratiques et anti-religieuses. Vous pourriez vous en mordre les doigts. » « Dans notre société, ces choses sont fort malvenues, cher ami, et on ne les y souffre pas plus que les chiens à l'église. » Du reste, la mère de Rennes est ma tante et reçoit à bras ouverts tous ceux que je présente chez elle. Pour attendre l'heure de la tertulia, les deux amis furent prendre des glaces qui ne purent cependant pas éteindre le feu de leur discussion politique. Les tertulians commençaient à arriver chez la marquise. Bien que l'automne s'annonçât déjà par ses longues et humides soirées, l'été avait si profondément enraciné sa chaleur qu'on pouvait encore laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Lagrimas était assise près du balcon, dans l'ombre projetée par la porte. Gennaro était assis à côté d'elle. Vis-à-vis d'eux, éclairée par la brillante lumière des lustres, se tenait Rennes, l'astre de la maison, autour duquel gravitait Flora, quelques jeunes filles et un nombreux groupe de cavaliers, au milieu desquels se trouvait Fabiane. Gennaro jouait avec l'éventail de Lagrimas. Un mot, en passant, sur cette fâcheuse et maladroite coutume qu'ont les hommes de s'emparer d'un meuble qui n'est pas fait pour leurs mains. Elle peut avoir pour excuse, nous le savons, le désir de tenir entre ses mains, ne fût-ce qu'un moment, un objet qui a touché celle d'une femme aimée, mais elle n'en est pas moins déplaisante. Il y a sans doute, de par le monde, des femmes qui savent faire noblement, à un élégant cavalier, le sacrifice d'un éventail. Mais il est d'autres filles d'Ève qui n'arrivent pas à cette hauteur de désintéressement et qui suivent, d'un œil inquiet et désolé, les évolutions dont est martyr leur cher et fidèle compagnon. Il y a plus encore. Ôter à une femme espagnole son éventail, c'est lui ôter ce que les Françaises appellent la contenance. Cette privation condamne à l'immobilité les personnes timides et provoque inévitablement un petit mouvement d'impatience. Dans ton intérêt, ami lecteur, nous te conseillerons donc, si par hasard tu étais enclin à commettre cet acte de vandalisme amoureux, à t'en abstenir désormais. Tu reconnaîtras un jour ou l'autre l'opportunité du conseil, et tu ne pourras t'empêcher de t'écrier « Béni soit ce Fernand Caballero que je ne connais pas, mais qui m'a rendu un signalé service. » À défaut de son éventail, Lagrimas tenait donc ses mains croisées sur ses genoux. La douce enfant gardait le silence, les yeux élevés vers le ciel. « Vous serez donc toujours triste, lui disait Gennaro, et vous ne partagerez jamais les distractions de vos amis ?»« Que voulez-vous ? » répondit Lagrimas, « je ne sais pas rire. Comme vous, je n'aime pas le rire. Ce bruit me semble discordant avec le cœur. Il l'attriste et le glace. « Oh non !» répondit Lagrimas. « Le rire est un des plus beaux présents de Dieu, comme l'est un jour de soleil, et je l'envie. Mais il y a des existences sans rire et sans soleil, enveloppées de tristesse, comme le ciel est à présent enveloppé de nuages. » Lagrimas baissa la tête et tomba dans une de ces tristes méditations que communique la nuit. Il se fit un moment de silence. Gennaro, à peu près certain d'avoir entendu prononcer son nom, prêtait une oreille attentive à la conversation de Rennes et de Flora. « Gennaro meurt d'amour pour Lagrimas, cela saute aux yeux, » disait Flora. « Il a raison, » répondait Rennes, « car c'est une innocente colombe sans fiel, un peu ennuyeuse, c'est vrai, mais comme il l'est lui-même beaucoup, il ne pourra pas se plaindre de ce peu. Renaro ennuyeux ! Exclama Flora. Il n'y a que toi qui puisses jamais avoir eu cette idée. C'est bien le garçon le plus gai, le plus aimable. Mais qui pourrait trouver grâce à tes yeux ? Alors, il dissimule bien son jeu. Il a toujours un air si grave. Je ne dis pas non, il plane au-dessus de la terre. Mais sais-tu bien ce que le recteur a dit à mon père ? Ce garçon-là est le plus vif, le plus éveillé et le plus appliqué de toute l'université. Je ne juge personne d'après l'opinion d'autrui, ma chère enfant, dit Reine, et encore moins d'après l'opinion des graves pères de famille. Cet aparté se termina par un bruyant éclat de rire que cette phrase excita chez Flora. Avec cette mobilité qui caractérise l'équinoxe, le temps avait changé d'aspect. « Voyez, dit Renaro à la grimace, le ciel semble ressusciter et sortir de son linceul, qui s'en va par lambeaux. Imitez le ciel, la grimace, et dépouillez ce linceul de tristesse. La vie est si belle quand on a 16 ans. » « Ce n'est pas le plus ou moins d'années qui font la vie belle, répondit la grimace. C'est le plus ou moins de contentement ou de joie. Est-elle gaie la nuit qui va commencer ? Oui, elle l'est. Regardez les étoiles qui vous sourient, comme pour vous égayer. À travers la blancheur diaphane de ces nuages, elle me semble de tristes yeux, remplis de larmes. Tout est triste, Renaro, soit qu'on élève, soit qu'on abaisse la vue. Si vous aimiez, la grimace, la vie ne vous paraîtrait pas si triste. L'amour donne-t-il de la joie ? Demanda naïvement la suave enfant. « Il donne le bonheur, et c'est bien préférable, » répondit Renaro. « J'en doute. Essayez de vous en convaincre. Et si je ne suis pas convaincue, vous serez libre de retourner à votre indifférence. Mais si l'indifférence était comme le paradis, et qu'on ne pût y rentrer quand on en est dehors ? L'indifférence n'est pas un paradis, la grimace, c'est plutôt un désert. » À ce moment, Martial traversait l'estrade, suivi de Tiburcio, qu'il présentait à sa tante. Martial était tellement occupé de lui-même qu'il était incapable de voir ce qui se passait à ses côtés. Aussi ne remarqua-t-il nullement l'effet produit par son entrée triomphale dans le groupe railleur des jeunes filles. Quel est ce curieux animal que nous amène le gros cousin Martial ? Dit Reine. Dites-moi, Fabiane, ce cerf-là vient-il d'Estrémadour ? Demanda Flora. Martial n'est pas heureux dans ses découvertes, poursuivit Reine. Il aura trouvé ce magot dans quelque cabinet d'histoire naturelle. Ce doit être, dit Flora, quelque création fantastique dans le genre du vampire dont parle Fabiane. Et tous les autres se mirent à classer le phénomène. Un habitant de la Lune. Un échantillon des manches à balai de Segura. Il a poussé à l'ombre, bien sûr. Une face de carême. Mais Fabiane, demanda Reine, vous devez savoir quel est ce phénomène à deux pattes. C'est la fraction la plus immédiate d'une verge d'Alcalde, répondit celui-ci. Et comment s'appelle cette fraction ? Tiburcio Civico. Jésus, quel nom ! Dit Flora. J'aimerais mieux ne pas en avoir du tout. Le nom est peu harmonieux, j'en conviens. Aussi fait-il le désespoir de Martial, qui ne peut lui trouver une rime, pour composer des stances en l'honneur de son propriétaire. À propos de vers, reine, Martial vous a-t-il donné ce qu'il a composé pour vous ? Non, mais c'est tout comme. « Je vous les dirai, si vous voulez. Je les sais par cœur. »« Fabiane, Fabiane !» exclama Flora. « Ne faites pas cela. Ce serait une haute trahison, une action indigne d'un camarade de collège. Si vous la commettez, je ne vous parlerai plus de ma vie. Pas même pour vous dire « Punchu !» Renaro se leva tout à coup et, prenant Fabiane à part, « Si tu veux que nous nous amusions, lui dit-il, tâche de persuader à Reine toi qui as de l'influence sur elle, de faire un bon accueil à ce grand escogriffe. Martial et lui nous donneront une bonne comédie. » Gennaro retourna ensuite vers Lagrimas et, reprenant son air sentimental, « Combien doivent vous paraître légers et frivoles, lui dit-il, ces gens qui ne savent que rire. La gaieté ne me déplaît pas, Gennaro. C'est le signe d'une âme satisfaite. Je voudrais être gai, mais je ne le puis pas, car ma tristesse provient de mes infirmités physiques et de mes chagrins moraux. À leur gaieté, je préfère votre tristesse, Lagrimas. Elle est si intéressante. Oh non, non, je sais qu'elle fatigue tout le monde, à l'exception des bonnes mères du couvent, à qui elle fait pitié. Que vous a dit Gennaro ? Demandait Reine à Fabiane. Il me priait de vous engager à bien recevoir l'intime de Martial, pour faire ensuite enrager le protecteur et le protégé. Qu'il achète une guenon s'il veut se divertir, ce mauvais plaisant, dites-lui cela de ma part. Après les premiers compliments, Reine s'adressant à Tiburcio. Vous êtes de Madrid ? Lui dit-elle. Non, señora, je suis de Villamar. Et où est situé ce Villamar ? Cousine, veux-tu que je t'apprenne la géographie ? Dit Martial. Je ne veux rien apprendre de ce qui finit en IE, répondit Reine. Il n'est pas étonnant que vous ignoriez, répondit Tiburcio, en affectant la prononciation madrilène, le nom d'un endroit assez peu connu, pour que le seigneur Madoth l'ait omis dans son dictionnaire. Note du traducteur. Nous croyons superflu de prévenir que tout ceci est une plaisanterie et que le village de Villamar n'existe que dans l'imagination de l'auteur. Fin de la note. Ce qui sera une tâche éternelle pour cet ouvrage, ajouta Martial. Si Madoth m'avait consulté, cela ne serait pas arrivé. Flora, disait Fabiane à la joyeuse fille aux nœuds roses, pouvez-vous bien me tenir ainsi depuis 6 mois à vos genoux, mon cœur à la main, sans vous décider à le prendre, comme si c'était un verre d'absinthe ? Je finirai par le prendre, afin que vous n'attrapiez pas de durillons aux genoux, mais à charge de rendre. Bien, pourvu que vous donniez du retour. Ni tour, ni retour. Pas même un soupir ? Un soupir ? Quelle prétention ! En fait de soupirs, je n'aime que ceux de Pépé, le confiseur. Note du traducteur. Suspiro, soupir, c'est également le nom d'une sorte de pâtisserie. Fin de la note. Mon Dieu, Flora, on ne peut obtenir de vous une parole sérieuse. Vous avez toujours le mot pour rire. Toujours. Et in secula seculorum. Amen. La vie n'est cependant pas toujours sans nuages. Et c'est justement à cause de cela qu'il faut jouir du soleil pendant qu'il brille. Reine, disait Martial à sa cousine, aimes-tu les vers ? Je les déteste, répondit celle-ci. Civico en fait de fort jolis, mais ce sont des vers d'opposition. Jésus, il devrait bien se borner à faire de l'opposition en prose. Mais toi, si empressé à faire des vers à tout le monde, que n'en fais-tu pour Lagrimas ? Peut-être parviendrais-tu à la faire rire ? Je suis incapable de jouer un mauvais tour à un ami, répondit Martial. De quel ami veux-tu parler ? De Gennaro ? Ignorerais-tu donc, par hasard, qu'il est amoureux fou de Lagrimas ? Il te l'a dit ? Demanda Reine tout émue. Non, de la vie, ce Machiavel n'a rien confié à personne. « Mais cela saute aux yeux !» Reine se mordit les lèvres de dépit. Sans se rendre bien compte à elle-même du sentiment de son cœur, Reine, la froide et dédaigneuse Reine, séduite peut-être par le mérite peu commun et la distinction de Gennaro, s'était amourachée du seul homme qui, ostensiblement, ne rendait pas hommage à ses charmes. De son côté, Gennaro, par un habile calcul, avait trouvé le véritable moyen d'attirer l'attention d'une femme rassasiée d'hommages. la conquête de cette femme flattait son amour-propre, satisfaisait son ambition et lui semblait l'idéal du bonheur. Quant à la pauvre Lagrimas, il lui faisait jouer le rôle de l'éventail, elle lui servait de contenance. Extérieurement, il affectait de ne s'occuper que d'elle. Intérieurement, il ne pensait qu'à Rennes. « Vous êtes allé à Madrid pour votre plaisir ?» demanda Rennes à Tiburcio, qui tourmentait son chapeau et, la mine aussi piteuse qu'un rat pris dans une souricière, ne détournait pas les yeux d'une bague en or problématique qu'il portait par-dessus son gant. « En partie, répondit-il avec fatuité, et aussi conduit par la noble ambition de tout bon patriote qui veut être utile à son pays. « C'est un noble but, répondit Rennes en souriant ironiquement. Il y a, dit-on, à Madrid, des sujets capables. Les sujets capables ne manquent nulle part, signora. Mais à Madrid comme ailleurs, les gens sans valeur sont préférés à ceux qui valent quelque chose. Et vous n'avez rien obtenu ? Rien. Dis-moi, Flora, quel est ce vampire dont tu parlais tout à l'heure ? Demanda une jeune fille. Un vampire, répondit Flora, c'est un homme grand, sec, pâle, triste, tourmenté par une soif particulière qu'il ne peut apaiser comme nous dans de clairs ruisseaux ou dans de limpides fontaines, mais dans les cimetières où il déterre les morts pour boire leur sang. Nous ne saurions peindre l'effet que produisit cette horrible image des visions fantastiques du Nord sur l'imagination joyeuse et fleurie de ces filles de l'Andalousie. « Quelle horreur ! » s'écriait l'une. « Mais c'est un délire produit par une fièvre chaude !»« Il n'y a qu'un fou furieux qui ait pu inventer semblable chose !» disait une autre. « Comment peux-tu répéter de telles horreurs, Flora ? Le cœur me soulève, j'en ai des nausées !» ajouta une troisième. « On devrait prohiber de semblables créations !» opina une quatrième. « On s'en gardera bien, malgré tout ce que nous pourrons dire !» répliqua Flora. « Chaque pays, chaque mœurs, ne déblatère-t-on pas là-bas, dans le nord, contre nos courses de taureaux, qu'on traite d'un reste de plaisir des barbares ? Eh bien, le goût n'en reste-t-il pas aussi violent chez nous ? Croyez-moi, ne dépensez pas une éloquence inutile. L'homme est une bête fauve conçue par la femme, comme une horrible chenille par un brillant papillon. Avec cette seule différence, qu'il marche sur deux pattes. Peste, ma belle Flora, comme vous nous traitez ! Et que seraient les femmes sans les hommes ? Elles seraient meilleures, sans contredit, répliqua celle-ci. Que peut me vouloir ta mère ? Dit Martial à Rennes avant de s'en aller. Elle m'a recommandé de venir ici, demain matin à midi. Elle a su que tu as joué, répondit Rennes, et elle s'en est montrée fort scandalisée. Peut-être bien veut-elle te faire de la morale. Martial se gonfla, comme si sa cousine lui eût fait le plus beau compliment. Que veux-tu, Rennes ? Dit-il. Il faut bien que jeunesse passe. La jeunesse n'excuse pas certaines choses, Martial. Les femmes ne détestent pas les mauvais sujets, ajouta Martial d'un ton suffisant. Où as-tu pris semblable absurdité ? Cela peut être pour quelques têtes aussi folles que la leur, mais sois bien persuadé qu'une femme délicate, sensée et douée de bons principes n'éprouvera jamais pour un mauvais sujet que la répulsion que méritent ses vices. Si tu crois autre chose, tu t'abuses étrangement. Tu te trompes lourdement. Je ne me trompe jamais, reine. Alors tu jouis d'un privilège exclusif, exclama reine en éclatant de rire. Que n'ai-je celui de te plaire, rieuse incorrigible. Quant à cela, cher ami, c'est une autre paire de manches.